Le fauteuil enchanté par Henri Murger. Richard était venu à Paris pour faire son droit. Mais comme au bout de 2 ans, l'étudiant n'avait pas mis 4 fois les pieds à l'école, son père, qui avait appris ce détail, lui envoya une malédiction en latin et un bon de 300 francs sur la poste, en avertissant son fils que c'était le dernier argent qu'il aurait de lui. En recevant cette lettre, Richard alla consulter un homme de loi pour savoir si son père avait réellement le droit de lui suspendre sa pension. Le jurisconsulte répondit que oui. Cette réponse dégoûta Richard d'une profession qui protégeait de tels abus, et il renonça au barreau. Mais comme il fallait un état pour vivre, il se fit poète. Richard était d'une grande ignorance en matière de vie pratique. Il eut la faiblesse d'acheter un mobilier, et commit cette imprudence au nez d'une 12aine de créanciers qui se déclarèrent en insurrection. Tous les matins, Richard reçut des ballots de papier timbré, dans lesquels on lui demandait de l'argent, et où on allait même jusqu'à l'appeler négociant. Un jour, un monsieur très mal mis, qui déclara être un huissier, accompagné de 2 hommes maigres, se présenta chez Richard pour opérer une saisie. Comme il dressait procès-verbal, un autre monsieur, également mal mis, suivi de 2 autres hommes maigres, se présenta également pour saisir. Voyant l'embarras dans lequel les 2 huissiers se trouvaient, Richard leur offrit des cartes et leur proposa de jouer à l'écarté lequel des 2 ferait la saisie. Ils répondirent qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire et se retirèrent. Un soir, en rentrant chez lui, Richard trouva à la porte de sa maison une petite affiche qui renfermait le programme de son mobilier, dont la vente était annoncée pour le lendemain. Le lendemain, au matin, on vint en effet enlever ses meubles. Le propriétaire de la maison retint, en garantie des loyers, les objets que la loi laissait à Richard, qui se trouva dans la rue avec un petit paquet contenant son linge et un petit carton qui contenait des verres. Il se ressouvint alors qu'il devait avoir une maîtresse quelque part, et courut chez elle. La belle, qu'il n'avait point vue depuis 1 mois, était partie depuis 8 jours et logeait on ne savait où. Richard courut chez tous ses amis et n'en put rencontrer aucun. Ne sachant où aller, il passait la nuit à se promener dans la campagne. Le matin, en rentrant en ville, comme il passait dans la rue de l'Ouest, qui longe le jardin du Luxembourg, il vit tomber à ses pieds un joli mouchoir de batiste garni de dentelles, et presque au même instant, il entendit un petit cri en l'air. Comme il relevait la tête après avoir ramassé le mouchoir, il aperçut au balcon d'un 6e étage une jeune femme qui lui faisait des signes, comme pour indiquer que l'objet lui appartenait. « Il y aura sans doute une récompense, » pensa Richard en entrant dans la maison. « Où allez-vous ? » lui demanda le portier. « Je vais chez madame ou mademoiselle M.V. » répondit le jeune homme, qui avait examiné les initiales brodées au coin du mouchoir. « Elle loge tout en haut, à côté de la girouette. »« Mademoiselle Madeleine, alors, » dit le portier. « C'est bien. »« Elle s'appelle Madeleine, » murmura Richard. « Je lui proposais de se repentir avec moi. »« Ce mouchoir a une odeur d'aventure, » ajouta-t-il. Sur le carré du 6e étage, une jeune femme vint au-devant de lui. Elle était vêtue d'un joli négligé printanier et accueillit Richard avec un sourire qui semblait indiquer un aimable caractère. Richard se préparait à répondre aux gracieux remerciements qu'elle lui avait adressés, et déjà il avait exécuté une attitude, c'est-à-dire une certaine position qu'il prenait ordinairement devant les femmes, mais il ne put point conserver une gravité irréprochable. La rapidité avec laquelle il avait monté les 6 étages lui avait tellement coupé la respiration qu'il ne put dire un mot et fut obligé de s'arrêter pour souffler. Par politesse, la jeune dame l'invita à entrer un moment chez elle pour se reposer. Elle n'avait pas achevé sa proposition, que Richard était déjà dans la chambre et se laissait tout d'une pièce tomber dans un fauteuil. « Ah ! » s'écria-t-il avec un sourire de béatitude, « l'excellent fauteuil que vous avez là, il est moelleux comme un nuage. » Et s'étendant avec nonchalance, il croisa ses jambes l'une sur l'autre, resta les yeux grands ouverts, sans direction arrêtée, et ne dit plus un mot. La dame le regarda un instant avec étonnement. « Il est sans gêne, ce monsieur, » pensa-t-elle. Et comme pour fournir un sujet de rentrée dans la conversation, Elle ouvrit son piano et commença un formidable plaquage d'accords. Richard ne bougea pas. La dame s'approcha de lui, impatientée, et le regarda bien en face. « Ah, c'est trop fort !» dit-elle en remuant une chaise. Richard s'était endormi. « Monsieur !» s'écria la jeune femme en lui frappant sur l'épaule. « Monsieur !» Richard remua un peu, entr'ouvrit les yeux et murmura entre ses dents. « Laissez-moi donc tranquille. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas d'argent. » La jeune femme poussa un éclat de rire si bruyant que Richard se réveilla. « Ah, parbleu !» s'écria-t-il d'abord. « Voilà un délicieux fauteuil !» Et il commença une litanie d'excuses, semée de madrigaux, dont Mademoiselle Madeleine ne parut pas se fâcher. « Mais, dit-elle en souriant, vous étiez donc bien fatigué, monsieur ?»« Voilà 2 jours que je n'ai dormi, madame. C'est toute une histoire. Je vais vous la conter, ça ne sera pas long. »« Tant mieux, reprit Madeleine, car j'ai à sortir. » « Que je ne vous gêne point, madame, répliqua Richard, je vous conterai mon histoire quand vous reviendrez. Et si je ne revenais point, alors je vais vous la dire tout de suite. » Et il raconta ses aventures à Madeleine, qui rit comme une folle. Au même instant, un violent coup de sonnette retentit à la porte. « Ah, mon Dieu !» fit Madeleine en devenant toute pâle. « Je n'y pensais plus, c'est lui. »« Lui ? Ah, très bien, j'y suis, » dit Richard. « Je vous gêne, pardon, je me retire. » « Non, non, » dit Madeleine, « entrez là-dedans pour un moment, je vous en prie. Il est si jaloux. Hier encore, il m'a fait une scène horrible parce qu'il m'avait rencontré avec quelqu'un. »« C'est ridicule, » fit Richard en entrant dans une seconde pièce. « Je vais faire en sorte de le renvoyer bien vite, » fit Madeleine. « Dans 10 minutes, vous aurez votre liberté. » Et fermant la porte de la chambre où Richard était caché, elle alla ouvrir celle où l'on venait de sonner. Un monsieur se précipita dans la chambre. C'était un Othello pourpre, et il exécuta un solo de jalousie auprès duquel la terrible colère du mort de Shakespeare n'eût été qu'un madrigal élégant. Madeleine le laissait dire, en limant très tranquillement ses ongles avec un joli petit instrument. De temps en temps, elle haussait les épaules. « Mais défendez-vous donc, malheureuse ! Défendez-vous donc !» criait le monsieur en faisant des gestes qui paraissaient inquiéter les objets d'art posés sur la cheminée ou accrochés au mur. « C'est le balcon d'Eugénie l'ouvrière, » chantonna Madeleine d'une voix claire en regardant fixement son jaloux. « Ah non !» dit celui-ci. « Vous ne pouvez plus vous défendre maintenant. Voici une preuve que vous me trompez. » Et il montrait une canne oubliée par Richard. « Est-ce que vous avez besoin de preuves pour en être sûr ?» répliqua Madeleine, dont le visage arborait une impertinence suprême. « Mais regardez-vous donc un peu dans ma glace, mon cher, et vous verrez que vous n'êtes pas bâti pour exiger fidélité, constance, etc. » Et elle reprit sa chanson. « C'est le balcon de Jenny l'ouvrière. » « Madeleine, » dit le monsieur en hachant entre ses dents serrées sa moustache rousse, « Madeleine, si vous ne me retenez pas, je m'en vais. » « Ô cœur content qui vit de peu !» continua la jeune femme, et du doigt, elle indiqua la porte. « Il suffit !» répliqua l'autre, et il sortit en prenant l'attitude d'un traître de mélodrame qui s'écrie « Dissimulons !»« Et vive la liberté !» s'écria Madeleine en allant ouvrir à Richard. « Eh bien, lui dit-elle, vous m'avez conté votre histoire, je n'ai pas besoin de vous dire la mienne, qu'est-ce que vous en pensez ?» Richard, un peu étonné, regarda Madeleine qui avait levé sur lui ses yeux clairs. Il prit la jeune femme par la main et la conduisit sur le balcon d'où l'on apercevait le jardin du Luxembourg. Un doux vent faisait bruire les feuillages, où chantaient des orchestres d'oiseaux, et de bonnes odeurs couraient dans l'air. Richard et Madeleine se regardaient toujours sans parler, mais il leur avait suffi de quelques regards pour rédiger leur contrat de mariage. « La vue est charmante ici, je serai très bien pour travailler. » dit Richard. Madeleine avait 20 ans, juste 5 ans de moins que son acte de naissance. C'était une charmante volage du pays d'Outre-Seine, où elle avait acquis une célébrité, non point parmi les étudiants qu'elle fréquentait peu, mais au milieu de cette population quasi artistique et littéraire qui s'est réfugiée dans les pays ultrapontins, sans doute à cause du bon marché de la vie et d'une certaine liberté d'allure qui ne serait point de mise de ce côté-ci de la Seine. En vivant avec des jeunes gens qui faisaient de l'art en guérilla, Madeleine avait appris ce langage particulier né dans les coulisses et les ateliers, et dont chaque phrase est une ménagerie de néologismes féroces, idiomes réalistes, dont les mots ont presque l'aspect des choses qu'ils expriment et font le tourment des sommaises préposées à la confection du dictionnaire. Madeleine était donc une amusante et spirituelle créature, ayant le rire facile de la gaieté sincère et sachant parler d'autre chose que de chiffon, de bal ou d'amourette. Sa chambre était presque une académie, et son cœur un album. Lorsqu'on lui demandait le pourquoi de sa liaison avec les peintres, les poètes et les musiciens, elle répondait en souriant « Ah bah, il faut bien encourager les arts !» Avec une franchise que les gens timorés eussent appelée du cynisme, elle avait prévenu Richard sur ses variations de sentiments. « Rappelle-toi l'histoire du mouchoir !» lui avait-elle dit. « Que veux-tu ? Si tu n'étais pas ainsi, je ne t'aurais jamais connu. Je n'aurais point bonheur à me fâcher d'une chose dont j'ai profité. Seulement, toutes les fois qu'il t'arrivera d'avoir une fantaisie, je préfère la franchise. Ça t'épargnera d'ailleurs des frais de diplomatie. » « Ces choses-là sont toujours désagréables à dire, » fit Madeleine. « Mais, écoute, j'ai un moyen. Nous aurons une tirelire et toutes les fois que j'aurai un caprice, je mettrai un jeton dans la tirelire. Un jeton blanc pour les caprices blonds, un jeton rouge pour les bruns. » Richard trouva l'idée originale. « Nous casserons la tirelire tous les 3 mois et nous ferons nos comptes, » dit Madeleine. Richard riait de plus en plus. « Ça te va-t-il ? » dit Madeleine. « C'est drôle, ça me va. » Seulement Richard s'arrangea de façon à régulariser sa position. Il se procura un emploi qui put le faire vivre. Comme il racontait un jour à un de ses amis le singulier traité qu'il avait conclu avec Madeleine, son ami ne put s'empêcher de lui dire « Alors, tu n'en es pas amoureux ?»« Je vais t'ouvrir mon cœur, » répondit Richard. « Ce que j'aime dans Madeleine, c'est son fauteuil. »« Quelle est cette plaisanterie ?» dit l'ami. « C'est très sérieux, » dit Richard. « C'est le seul fauteuil dans lequel j'ai pu travailler. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais c'est ainsi. 10 fois j'ai voulu me fâcher avec Madeleine et me séparer d'elle. Mais quand je voulais m'en aller, mes yeux tombaient sur le fauteuil, je m'asseyais dedans et je restais. » Un autre ami qui ne connaissait point Madeleine, ayant rencontré Richard, lui demanda s'il avait une maîtresse. « Oui, » répondit-il. « Est-elle jolie ? Très jolie. Elle est en velours rouge avec des clous dorés et elle a un dossier qui représente des Chinois pêchant à la ligne. « Qu'est-ce que vous me chantez là ? » dit l'ami. « Pardon, » fit Richard, « je pensais à mon fauteuil. » Son ami le crut fou. Un jour, il lui prit la fantaisie de visiter la tirelire pour voir où il en était avec Madeleine et comme il ne voulait pas la casser, il fit sortir les jetons par la fente. Il y en avait 3, 2 blancs et 1 rouge. « Les blonds ont la majorité, » dit-il en riant, et il remit les jetons dans la tirelire. Néanmoins, si cuirassé qu'il se crut, il ne put s'empêcher d'être un peu triste. « Décidément, ça ne peut pas durer comme cela. Quand il y aura 10 jetons, je m'en irai. Qu'est-ce qui pourrait me retenir ici ? Je ne suis pas amoureux de Madeleine. »« Tu n'es pas amoureux, hein ? » fit-il en se frappant la poitrine à l'endroit du cœur. Il sentit son cœur qui battait légèrement. Il dit non, j'en étais bien sûr. Un mois après, il fit une nouvelle autopsie de la tirelire. Il y avait 7 jetons, 4 rouges et 3 blancs. Bon, dit Richard, les bruns ont repris l'avantage. Voyons, j'attendrai qu'il y en ait 10 et je parie pour les blonds. 2 mois après, il trouva les 10 jetons, 5 rouges et 5 blancs. C'est ennuyeux, murmura Richard. « J'aurais pourtant bien voulu savoir qu'il emporterait des rouges ou des blancs. Je vais attendre qu'il y ait une majorité. » Au bout de quelque temps, il consulta la tirelire. Il avait gagné son pari. Les blonds avaient la majorité. « Maintenant, » dit Richard, « je vais m'en aller. » Il essaya de se lever du fauteuil où il était assis, mais dans le mouvement qu'il fit, il lui parut qu'un fil invisible lui tirait le cœur. « Ah ! « C'est trop fort, » dit Richard. « Qu'est-ce qui me retient donc là ?» Une voix, qui paraissait sortir du fauteuil, répondit « C'est l'habitude. » Ainsi s'achève « Le fauteuil enchanté » de Henri Murger.